50 languages. 57. 57. 57. عند الطبيب. Chez le médecin. Chez le médecin. لدي موعد مع الطبيب. J'ai rendez-vous chez le docteur. J'ai rendez-vous chez le docteur. موعدي في الساعة العاشرة. J'ai rendez-vous à 10 heures. J'ai rendez-vous à 10 heures. Masmok. Quel est votre nom? Quel est votre nom? من فضلك اجلس في غرفة الانتظار. Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. الطبيب سيأتي حالا. Le docteur va arriver. Le docteur va arriver. مع من عقدت التأمين الصحي؟ Où êtes-vous assuré? Où êtes-vous assuré? بما يمكنني خدمتك؟ Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? أتتألم؟ هل تشعر بألم؟ Avez-vous mal? Avez-vous mal? أين يؤلمك؟ أين موضع الألم؟ Où avez-vous mal? Où avez-vous mal? ظهري يؤلمني دائما. J'ai toujours mal au dos. J'ai toujours mal au dos. وغالبا ما أشعر بصداع. J'ai souvent des maux de tête. J'ai souvent des maux de tête. وأحيانا أشعر بألم في البطن. Parfois, j'ai mal au ventre. Parfois, j'ai mal au ventre. من فضلك اكشف عن صدرك. Enlevez le haut, s'il vous plaît. Enlevez le haut, s'il vous plaît. من فضلك استلقي على منضدة الفحص. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. ضغط الدم أعلى ما يرام. La tension est normale. La tension est normale. سأعطيك حقنة. Je vais vous faire une piqûre. Je vais vous faire une piqûre. سأعطيك حبوبا. Je vous prescris des comprimés. Je vous prescris des comprimés. سأعطيك وصفة طبية للصيدلية. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie.